regardera passer le temps. Reste là, touche encore ma main, les yeux fermés à humer le vent. Petit frère pécheur, que tisser ensemble, ça vaut une voile, et en s'organisant, on naviguera l'eau. On est rendu à notre bloc de musique instrumentale et j'ai pas grand temps pour vous dire une seule chose. Allez mettre la main sur l'album Enscape de Alexandra Streliski. C'est vraiment très intéressant. Par rapport au premier, il y a les pièces sont un petit peu plus longues que Pianoscope, mais c'est toujours aussi agréable. Elle est seule au piano. Et de temps en temps, on va peut-être entendre quelques autres instruments sur l'album, mais vraiment très, très, très épuré. Vraiment très, très bien fait. Je vous envoie deux pièces de Enscape plus tôt. Très bonne pièce qui ouvre l'album. Et la pièce qui termine l'album, Le Nouveau Départ, me fait beaucoup penser à la pièce Le Départ qu'on retrouvait sur Pianoscope. Vraiment très, très bien fait. Du beau piano, très bien... jouer très bien offert. Donc, on va entendre ça dans quelques instants. Et par la suite, on va entendre deux pièces de Charlotte Hébert, pourquoi pas, Le Refuge, qui est vraiment intéressant, et aussi la pièce Moment d'automne. Charlotte Hébert qui est accompagnée de M. Yves Sergerie à l'harmonica de toute beauté. Mais pour l'instant, voici plutôt Alexandra Streliski.